fait partie des bonnes actions recommandées pour le musulman et qu'il se doit d'y être constant, de jeûner après le mois de Ramadan les 6 jours du mois qui suit le mois de Shawwal. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie, tout le temps, c'est-à-dire toute l'année. Et s'il répète cela tous les ans, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps, toute sa vie. Car le mois de Ramadan, c'est un mois de 30 jours. Même si parfois il y a 29 jours, mais c'est compris comme 30 jours. C'est la même récompense, qu'elle soit 29 ou 30. Donc c'est l'équivalent de 10 mois, car la récompense est multipliée par 10. Les 6 jours de Shawwal multipliés par 10, ça fait 60. Ça fait 2 mois. 10 plus 2, ça fait 12 mois. C'est le nombre de mois que comporte une année. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan, le mois il est complet, 29 ou 30 jours, mais il a jeûné tout son mois. Il ne lui manque pas de jours de jeûne de Ramadan. Et il y ajoute les 6 jours de Shawwal, alors ça lui est compté le jeûne de toute l'année. Il répète cela tous les ans, c'est le jeûne de toute la vie. Le hadith est rapporté par Muslim. Et il est autorisé de jeûner ces jours de Shawwal, qu'ils soient réunis ou séparés. Qu'ils soient réunis ou séparés, et que ce soit en début du mois de Shawwal, au milieu du mois de Shawwal ou à la fin du mois de Shawwal, l'essentiel c'est que ça se passe à l'intérieur du mois de Shawwal, bien qu'il est préférable de s'empresser de le faire dès le début du mois. Chers musulmans, Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Coran, dit à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, et adore ton Seigneur jusqu'à que la certitude te vienne. La certitude ici, c'est la mort. Jusqu'à ta mort, tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui recommande de rester ferme et de rester dans une adoration perpétuelle jusqu'à que la mort lui vienne. Il adore Allah par tout moyen, toute forme d'adoration, tout moyen de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en tout temps, en tout lieu et en tout état, jusqu'à que la mort lui vienne. Et cette recommandation, c'est celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait aussi à tous les musulmans, à tous ses serviteurs, dans sa parole, dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit et ne mourrez qu'en pleine soumission, en étant soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, soyez fermes, restez dans la piété, dans la droiture, et persistez dans cela jusqu'à que vous vienne la mort. Serviteur d'Allah, parmi les choses qu'on voit qui sont tristes à voir, ce n'est pas une bonne image que donnent certains, sauf ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a pris dans sa clémence, c'est de voir certains, dès que le mois de Ramadan, après avoir été volontaires durant ce mois, après avoir accompli des actes d'adoration durant ce mois, faiblir et délaisser l'adoration d'Allah durant le restant des mois. Allahumma ruddana ila dinika rahim jamila. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alayna innaka at-tawwabur rahim. Waffiqna Allahumma lima tuhibbu wa tardah wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.